Le porte-parole du ministère coréen des Affaires étrangères a répondu le 19 janvier à la question posée par le correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée relativement à ce que le secrétaire d'État américain a lancé des propos qui portent atteinte à notre dignité suprême. Il a dit « Le secrétaire d'État américain Kerry a péroré le 17 lors de la réunion du Forum économique mondial de Davos que la disposition de SAT en Corée du Sud et autres mesures sont destinés à faire face aux armes nucléaires et à la potentialité du dictateur impulsif, téméraire et non vérifié. Ce rebut du genre humain a osé porter atteinte à notre dignité suprême, mais ce n'est qu'un cri de détresse de celui qui n'a pas réalisé son ambition de nous effondrer et qui n'a connu que la défaite et la honte dans le duel avec nous. Les propos de Kerry ne sont rien d'autre qu'un aveu du vaincu angoissé à l'extrême devant le progrès de notre république devenue puissance nucléaire, puissance militaire de l'Orient. Kerry doit se confesser de son crime d'avoir précipité les rapports coréen-américains et la situation de la région dans la catastrophe par l'hostilité à l'égard de la Corée au cours de son mandat. Celui qui porte atteinte à notre dignité suprême qui est notre destin le payera très cher. »